Il m'arrive de m'ennuyer. Si je m'arrête de travailler, si je m'assois et si je me mets à penser, alors je me rappelle l'atroce accident d'il y a 15 ans. Je ne vous le raconterai pas en détail. Ma sœur, son mari et moi étions dans ma voiture. Nous nous promenions. J'étais au volant. À un tournant, une voiture est arrivée en sens inverse. Le conducteur ne serrait pas sa droite. Ma sœur et mon beau-frère, c'étaient Monsieur et Madame Martin, les parents de Marie-Claire et de Guy que j'attends d'une minute à l'autre. Ils viennent assez souvent passer le week-end chez moi et ils m'amènent quelquefois leurs amis.